Chapitre 3. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi, bébé ? Dit le bûcheron Jeannot au lever du soleil, en poussant timidement d'une main la porte basse du jardin. Il n'y a rien à faire. Elles ont besoin de si peu en cette saison, les fleurs, répondit-elle en continuant d'attacher ses pois de senteur à leur bâton. Le bûcheron ne répondit pas. Appuyé à la petite porte entrouverte, il la faisait aller et venir sous son bras nu. C'était un être inoffensif et doux, noir comme son charbon, simple comme un enfant et fort ignorant, car il avait passé sa vie dans les grands bois de Soigny à faire des fagots quand il était petit, à abattre des arbres et à brûler du charbon quand il devint homme. « Qui était ce seigneur avec toi l'autre soir, bébé ? » reprit-il après un long silence, tout en suivant ses mouvements. « Je ne suis pas sûr, je crois qu'il est peintre, un grand peintre comme autrefois, Rube, à Anvers. Il m'a demandé des roses avant-hier dans la cathédrale. Mais il se promenait avec toi. Oui, je l'ai rencontré en rentrant. Que te donne-t-il pour tes roses ? Oh, il me paie bien. Comment va ta mère aujourd'hui, Jeannot ? Tu ne veux pas parler de lui. Pourquoi en parlerions-nous ? Il ne t'est rien. N'y a-t-il vraiment que 2 jours que tu le connais, bébé ? Jeannot, ai-je donc jamais menti ? Le bûcheron persistait à faire grincer la porte sous ses bras croisés. Bébé coupa tranquillement ses fleurs, puis elle appuya une échelle contre la cabane et grimpa sur le toit écrasé, ses poules ayant parfois la fantaisie d'aller abriter leurs œufs parmi les plantes parasites qui couvraient le chaume. Elle trouva 2 œufs qu'elle se promit de porter à Marie, et tournant la tête, le pied posé au sommet de l'échelle, vit que Jeannot était encore là. « Tu arriveras tard au bois !» lui cria-t-elle. « C'est si loin ! Pourquoi donc as-tu l'air boudeur ? Et tu vas démolir ma porte à coups de pied !» « Je n'aime pas que tu causes avec les étrangers, » grogna Jeannot, de plus en plus sombre. Bébé, assise au bord du toit, éclata de rire et regarda le ciel gris d'argent, les champs qui déroulaient leur moite verdure avec des yeux ravis. Ce spectacle familier était transfiguré pour elle. « Oh, Jeannot, quelle sottise ! Comme si je ne causais pas chaque été avec des centaines d'étrangers ! Mais je ne vendrai jamais une fleur sans cela. Tu es de mauvaise humeur ce matin, voilà tout. » « Sais-tu le nom de cet homme ? » demanda brusquement Jeannot. Bébé rougit. Elle crut que c'était de colère contre l'importun. « Non, qu'est-ce que cela nous fait ? Je ne peux demander le nom de toutes les personnes qui achètent mes roses. »« Comme si ce n'était que des roses. » Il y avait entre eux toute la largeur du jardin, et bébé n'entendit pas cette réflexion. « Allons, entre, » dit-elle, « et apporte-moi mon déjeuner. On est si bien perché en l'air comme dans un arbre. » Jeannot obéit et lui tendit le bol de lait qu'il était allé chercher dans la maison, mais il paraissait toujours soucieux et poussa un gros soupir en se détournant après avoir amassé sa cognée. « Tu reverras cet étranger ? » demanda-t-il craintif. « Sans doute !» le triomphe éclata dans ses yeux. Elle ne pensait guère à Jeannot. « Dépêche-toi donc, tu seras en retard. Et ne boude plus, les journées sont trop courtes pour qu'on les gâte par de la mauvaise humeur. » Elle se mit à rompre son pain dans le lait, puis à jeter les miettes aux hirondelles en humant la brise fraîche. Jeannot, cependant, s'éloignait, triste, dans le silence de l'aube. « Tu ne penseras plus qu'à cet étranger, bébé. Nous ne sommes plus rien pour toi, » murmura-t-il. C'était absurde à dire, mais les amoureux n'ont jamais d'esprit. Bébé n'y prit pas garde. Elle ne comprenait ni Jeannot, ni elle-même. Elle savait seulement qu'elle était bien heureuse, et quand on sait cela, on n'a pas besoin d'en chercher davantage. Le soleil revint toucher les lichens du toit d'un rayon d'or. Bébé lui sourit comme il montait au-dessus des arbres, éclairant les petits villages qui s'éparpillaient dans la plaine. « Ah, cher soleil !» lui cria-t-elle, « je vais devenir savante, je vais entrer dans le pays de Rube, connaître l'avenir et le passé. N'en es-tu pas content pour moi, soleil ?» Le soleil, comme tout le reste de la nature, n'a d'autre parole que celle que notre cœur lui prête. En réalité, le soleil continua de s'élever et ne répondit pas. Il voit toute chose mûrir et se corrompre. Il peut attendre, il connaît la fin, qui est toujours la même. Il fait sortir le fruit de la fleur, lui donne couleur et parfum. Il sait en même temps que le fruit doit infailliblement tomber, soit sur la table des rois, soit à terre, pour devenir la pâture des fourmis. Différence qui importe peu. Le soleil n'est pas un sceptique, il est sage parce qu'il est à la fois la vie et la mort, qu'il crée, qu'il détruit tout. Mais bébé, qui ne voyait en lui que le signe béni du travail quotidien, la lumière du monde, l'ami des fleurs, le compagnon des jeux de l'oiseau et du papillon, bébé qui n'avait de lui aucune crainte, lut seulement dans ses rayons matiniers la promesse d'un après-midi sans nuages, tandis qu'elle jetait sa dernière miette aux hirondelles qui l'hiver vont apprendre de belles choses par-delà les mers. Bientôt, pensait la jeune fille, j'en serai aussi long qu'elle. Sa besogne faite, elle s'habilla avec plus de soin que de coutume, et ne manqua pas d'interroger attentivement la surface polie du puits. Elle n'avait pas d'autre miroir. Habituée à s'entendre appeler jolie, elle n'y avait jamais pensé jusqu'à ce jour. Jamais elle n'avait pris les compliments que comme autant d'expressions de bienveillance, l'équivalent de « Dieu vous garde », tandis qu'à présent... Elle resta bien 10 minutes penchée sur les profondeurs sombres qui lui renvoyaient le sourire de ses yeux, pareils à l'iris bleu, puis elle alla s'agenouiller devant la petite Sainte Vierge de la muraille. « Bonne Mère de Dieu, murmura-t-elle doucement, je vous remercie de m'avoir fait un peu agréable à voir. Gardez-moi comme vous gardez mes fleurs, et que je sois toujours jolie, parce que c'est un plaisir de faire plaisir. Ah, Sainte Mère, pardonnez-moi si je suis vaine. Aidez-moi à devenir sage. » À cette prière, elle ajouta un ave ou deux pour se mettre en règle, puis courut vers la ville, pimpante et gaie comme une alouette. Son premier soin fut d'aller chercher l'argent de la mère Marie. Elle le lui porta aussitôt avec d'autres dessins à piquer et les offrait. Qu'entendait-il par un cœur de chien ? Se demandait-elle. Après avoir laissé la vieille installée devant sa lucarne à piquer le parchemin, sans lever les yeux pour autre chose que pour chercher à travers la forêt des mâts les chevaux de lin du brick perdu. Qu'est-ce qu'un cœur de chien ? Elle se rappelait un chien qui, après avoir traîné toute sa vie de lourds fardeaux dans les rues de Bruxelles, était mort sur la tombe de son maître, bien qu'il n'eût d'autre souvenir de ce maître que des coups. Aucun lien avec lui, sauf des liens de douleur. Est-ce là, pensait bébé, ce qu'il a voulu dire ? S'adressant à une commère, ancienne connaissance de la vieille Marie, elle continua tout haut. Son matelot était-il donc si bon pour elle ? Eh non, pas que je sache, répondit celle-ci, après avoir réfléchi quelque temps à cette chose lointaine. Il l'aimait bien, mais il avait une mauvaise tête, et ne manquait pas de la battre quand il s'ennuyait d'être à terre. Il ne faut pas en vouloir aux hommes quand ils ont bon cœur du reste. C'est leur manière de se venger des contrariétés qui leur arrivent sur ce qu'ils aiment le mieux. Elle parle de lui comme d'un ange, pourtant. Un vague sourire vint rajeunir les traits flétris de la bonne femme. « Mon enfant, quand la gelée a tué ton rosier, penses-tu aux épines qui t'ont piqué les doigts, ou bien seulement aux belles fleurs qui ont embaumé tout ton été ?» Bébé sortit pensive de cette vieille maison fléchissante dont la rivière battait le mur. La vie lui paraissait devenir singulièrement compliquée, se nouer autour d'elle comme les fils de la dentelle qu'une méchante fée embrouille pendant la nuit.